Mr. Skelmersdale au pays des fées par H.G. Wells. Dans ces boutiques-là, dit le docteur, il y a un homme qui est allé au pays des fées. Quelle plaisanterie ! Fis-je en lançant un regard vers la boutique. C'était l'ordinaire magasin de village avec son guichet postal, ses fils télégraphiques sur la façade, des seaux de zinc et des balais à la porte et des boîtes de conserve dans la vitrine. Racontez-moi cela, insistai-je après un moment de silence. Je ne sais pas de détails, répondit le docteur. Lui, c'est un rustaud quelconque et qui se nomme Skelmersdale. Mais tout le monde ici croit son histoire comme parole d'évangile. Un moment après, je ramenai la conversation sur ce sujet. Je ne connais pas la fable en détail, répéta le docteur, et je ne tiens certes pas à la connaître. Je l'ai soignée pour un doigt cassé. C'est là que je lui vends de la faribole, c'est tout. Mais ça vous montre, en tout cas, le genre d'humanité à qui on a affaire, hein? C'est commode d'inculquer des principes d'hygiène à des bus pareils. Assurément non, répondis-je sur un ton de véritable apitoiement. Il se remit à me narrer par le menu toute l'affaire des conduites d'eau de Burnham, et j'eus ainsi un aperçu des habituelles préoccupations d'esprit d'un inspecteur sanitaire. Je manifestai alors toute la sympathie dont j'étais capable. Quand il traita d'âne l'ensemble de la population, je renchéris en assurant que c'étaient tous des ânes battés, mais il n'en fut pas apaisé. Plus tard, vers la fin de l'été, un urgent désir de m'isoler pour terminer mon ouvrage sur la pathologie spirituelle, ouvrage d'une rédaction plus laborieuse encore que sa lecture, m'amena à Bignor. Je me logeai à la ferme, et bientôt je me trouvai de nouveau, en quête de tabac, devant ce magasin universel. À la vue de la devanture, un nom me revint à la mémoire, Skelmersdale, et tout en le prononçant à voix basse, j'entrai. Je fus servi par un jeune homme de courte taille mais non difforme, avec un teint blond duveteux, des dents petites et blanches, des yeux bleus et un air languissant. Je le dévisageai curieusement. À part un soupçon de mélancolie dans l'expression de ses traits, il n'avait rien que de très ordinaire. Selon la mode de sa profession, il était en manche de chemise, en tablier, avec son crayon perché sur son oreille candide. Une chaîne d'or, avec une guinée ancienne pour breloque, barrait son gilet de drap noir. « C'est tout ce qu'il vous faut pour aujourd'hui, monsieur, » s'informa-t-il, tout en se penchant sur la facture qu'il préparait. « Vous êtes bien, Mr. Skelmersdale ?» questionnai-je. « En personne, monsieur. »« Est-ce vrai que vous avez été au pays des fées ?» Il m'examina un instant, les sourcils froncés, avec une expression chagrine et exaspérée. « Oh, en voilà encore un qui se croit malin, » fit-il. Puis, après cette escarmouche, il se remit à additionner la note de mes emplettes. 1 et 3, 4 et 2, 6, compta-t-il, et presque aussitôt, « Merci, monsieur. » C'est sous d'aussi fâcheux auspices que je fis la connaissance de Mr. Skelmersdale. De ce début malheureux, j'en vins à gagner sa confiance par une suite de laborieux efforts. Je le retrouvai au café du village où, un soir après dîner, j'étais allé jouer au billard et mitiger quelque peu la réclusion volontaire qui, dans le jour, était si propice à mon ouvrage. Je m'arrangeai pour faire une partie avec lui et entamer une conversation. Le pays des fées, comme je m'en aperçus, était l'unique sujet qu'il valait mieux éviter. On lui en avait tellement rebattu les oreilles que ces trois mots le mettaient hors de lui. Sur tout le reste, il était abordable et banalement aimable. Une seule fois, il m'arriva d'entendre faire dans la salle et en sa présence une allusion à son aventure, et ce fut par un garçon de ferme grincheux qui perdait la partie. Skelmersdale se livrait à une série respectable de carambolages. Il avait dépassé la douzaine, ce qui, pour les joueurs de Bignor, était un exploit peu commun. « Ce n'est pas une queue que vous tenez, » lui dit son adversaire, « c'est une baguette de fée. » Skelmersdale le regarda fixement, puis, lançant sa queue dans un coin de la salle, il sortit. « Vous ne pouvez donc pas le laisser tranquille, » fit un vieux qui s'intéressait à la partie, et sous la réprobation unanime, le jeune laboureur réprima la grimace de satisfaction que lui inspirait son propre trait d'esprit. Je flairai là une occasion exceptionnelle. « Quelle est donc cette plaisanterie au sujet des fées ? » demandai-je. « Ce n'est pas une plaisanterie, du moins pour le petit Skelmersdale, » me répliqua le vieux en lampant une gorgée de bière. Un petit bonhomme, aux joues roses, se montra plus communicatif. « Les gens d'ici, monsieur, affirment qu'elles l'ont emporté sous la butte de Haddington et qu'elles l'y ont gardé environ 3 semaines. » Ainsi amorcée, l'assistance ne se fit plus prier. Dès qu'un mouton eut donné le branle, tous les autres suivirent, et en très peu de temps, j'eus un aperçu, extérieur au moins, de l'affaire Skelmorsdale. Autrefois, avant de venir à Bignor, il était employé à Aldington Corner, dans une boutique absolument similaire, et c'est là que se déroula le mystère. Certains points de l'histoire paraissaient très clairs. Il s'était un soir attardé sur la butte, avait disparu pendant 3 semaines aux yeux des hommes, après quoi il avait reparu avec ses manchettes aussi propres qu'au départ et les poches pleines de poussière et de cendres. L'état de tristesse revêche dans lequel il était revenu ne se dissipa que très lentement, et bien des jours se passèrent avant qu'il consentît à expliquer son absence. La jeune fille de Clapton Hill, à laquelle il était fiancé, essaya de lui arracher des confidences, et elle rompit avec lui, en partie parce qu'il refusa de parler, et en partie parce que, disait-elle, elle se sentait toute chose en le voyant si morose. Lorsqu'un peu plus tard, il lâcha tout de go, devant des indifférents, qu'il avait été au pays des fées, et qu'il voulait y retourner, quand cette nouvelle se répandit, et que la jovialité paysanne en eût fait matière à quolibet, il quitta brusquement son emploi et vint s'embaucher à Bignor pour échapper au brocard. Mais aucune des personnes réunies ce soir-là autour du billard ne savait exactement ce qui s'était passé au pays des fées. Sur ce point, l'assistance partit dans toutes les directions comme une meute en défaut. L'un soutenait ceci, l'autre affirmait cela. Chacun, en traitant ce sujet, prenait un air ostensiblement sceptique et critique, mais je percevais très bien une part de crédulité dans les prudentes réticences. J'adoptai une attitude intelligemment intéressée et mitigée par un doute raisonnable concernant l'ensemble de l'histoire. « Si le pays des fées, insinuai-je, se trouve sous la butte d'Aldington, pourquoi ne la creusez-vous pas ? C'est bien ce que je leur dis !» s'écria le jeune laboureur. « Il y en a plus d'un qui a essayé de creuser la butte, » proféra d'un ton solennel le vieux. « Oui, il y en a plus d'un. » Une fois ou l'autre, mais il n'en reste guère aujourd'hui pour nous dire ce qu'ils en ont tiré. » Cette crédulité vague mais unanime était assez impressionnante. Je me rendais compte qu'il devait sûrement y avoir quelque chose à l'origine d'une conviction pareille, ce qui ne fit qu'aiguiser la curiosité déjà vive que j'éprouvais concernant les faits réels de l'histoire. Et ces faits réels, je ne pouvais les obtenir que de Skelmorsdale lui-même. Je m'appliquais, en conséquence, encore plus assidûment, à dissiper la mauvaise impression que j'avais si malencontreusement produite et amener mon homme à une confiance suffisante pour le faire parler de lui-même. Dans cette entreprise, j'avais un avantage social. Étant une personne affable, sans occupation apparente, commandément vêtue d'une vareuse, d'une culotte courte et de molletière, je fus naturellement classé à Bignor comme un artiste. Or, dans le remarquable code de préséance sociale en vigueur à Bignor, un artiste occupe un rang considérablement plus élevé qu'un garçon épicier. Skelmorsdale, comme la plupart de ceux de sa classe, est relativement snob. Il ne m'avait manifesté d'hostilité qu'en réponse à une provocation maladroite et inexcusable, mais, j'en suis certain, il s'en était repenti bien vite. Je savais qu'il se montrait extrêmement fier qu'on le vît se promener dans le village en ma compagnie. Le moment venu, il accepta volontiers l'offre de venir chez moi fumer une pipe et siroter un peu de whisky. Une fois là, flairant par un heureux instinct qu'il y avait au fond de tout cela des peines de cœur, et sachant que les confidences engendrent les confidences, je l'accablais de détails intéressants et suggestifs concernant mon passé, réel ou fictif. Et si mes souvenirs sont exacts, ce fut après le 3e whisky, à sa 3e visite, à propos d'une amourette ingénue qui m'avait grandement passionné vers mes 18 ans, qu'il rompit la glace, librement et de son propre mouvement. « La même chose m'est arrivée à moi, là-bas, à Aldington, » dit-il. « C'est justement cela qui est drôle. D'abord, moi, je n'éprouvais rien pour elle. Et c'est elle qui était entichée de moi, et après, quand il fut trop tard, c'est moi qui m'entichais d'elle. » Je m'abstins de relever l'allusion. Aussi, bientôt, on lança-t-il une autre, et en peu de temps, il insinuait, aussi clair que le jour, que la seule chose dont il voulait parler à présent était cette aventure au pays des fées, au sujet de laquelle il avait jusqu'alors été si mystérieux. Le tour était joué, et de ma position d'étranger, mi-incrédule et mi-facétieux, j'étais devenu, grâce à ma prodigalité éhontée de confidence, le confident nécessaire. Le désir l'avait mordu de me montrer que lui aussi, il avait vécu et souffert, et maintenant la fièvre le tenait. Au début, certainement, il procéda par allusion singulièrement énigmatique, et mon impatience de mettre quelque clarté dans son récit par des questions précises, n'était contrebalancé que par ma crainte d'intervenir trop tôt. Mais après deux autres soirées, les bases de sa confiance furent solidement établies et je crois que j'ai obtenu, du premier au dernier, les détails de l'histoire. À vrai dire, j'ai entendu un grand nombre de fois tout ce que Mr. Skelmersdale, avec ses facultés narratives limitées, sera jamais capable de raconter. Je puis ainsi, en rassemblant ses pièces et ses morceaux, établir l'exacte relation de son aventure. Que l'événement se soit produit, qu'il l'ait imaginé ou rêvé, ou que l'idée lui soit venue au cours de quelque étrange hallucination, je ne prétends pas en décider. Mais qu'il l'ait inventé, voilà une hypothèse que je n'envisagerai pas une seule minute. Mon homme croit simplement et honnêtement que la chose s'est passée comme il le dit. Il est manifestement incapable d'un mensonge, d'une supercherie aussi laborieuse et aussi compliquée. Et je trouve une puissante confirmation de sa sincérité dans la conviction des esprits rustiques, mais souvent singulièrement pénétrants qui l'entourent. Il croit, et personne ne peut produire un fait qui détruise sa conviction. Quant à moi, bornant à cela mon adhésion, je transmets simplement son histoire. À mon âge, on n'a besoin ni de s'expliquer, ni de se justifier. Il raconte donc qu'un soir, sur les 10 heures, il s'endormit sur la butte d'Aldington. Il se peut que ce soit le soir de la Saint-Jean d'été, bien qu'il n'y ait pas fait spécialement attention, et ne donne de date qu'à une semaine près. La soirée était claire, sans un souffle de vent, et dans l'est, la lune se levait. Depuis que la suite des incidents se précisait, grâce à mes invites continuels, j'avais pris la peine de visiter 3 fois la butte. Une fois même, j'y allais à la nuit tombante, comme la lune se levait, à une date identique à celle de son aventure. Jupiter scintillait splendidement au-dessus de la lune. Au nord et au nord-ouest, le ciel restait d'un vert clair et lumineux après le coucher du soleil. La butte se dresse morne et dénudée sous le ciel, mais entourée à sa base par des fourrés épais. Et tandis que je montais, il y avait partout un bruissement incessant de lapins fantomatiques ou tout à fait invisibles qui prenaient la fuite. Au sommet, et là seulement, des nuées de moucherons bourdonnaient. La butte est, je crois, un monticule artificiel, le tumulus probablement de quelque grand chef préhistorique, et à coup sûr, aucun homme n'a jamais choisi pour sépulture une perspective aussi vaste. Vers l'est, le regard suit les collines jusqu'à Hythe, et de là, franchissant le détroit, il aperçoit les grands feux blancs du Grinet et de Boulogne qui clignotent, s'éteignent et disparaissent. Vers l'ouest, s'étend la vallée bouleversée de la Weald, visible jusqu'à Hindhead et à Leith Hill, tandis que la vallée de la Stour, disjoignant les Downs au nord, gagne, par de la Wye, les interminables collines. Toute la plaine de Romney s'étale au sud avec ses villages. À mi-distance, Hastings et sa colline s'interposent, et une ligne de hauteur se multiplie vaguement, très loin, au-delà de Eastbourne, qui se prolonge jusqu'à Beachy Head. Dominant tout ce paysage, Skelmersdale se promenait, tout absorbé par ses premiers chagrins d'amour, et comme il le dit lui-même, allant au hasard où ses pas le portaient. Finalement, il s'assit pour mieux réfléchir, et c'est dans cette position, maussade et désolée, que le sommet le surprit et qu'il tomba au pouvoir des fées. La querelle qui le tourmentait avait eu pour cause un dissentiment insignifiant entre lui et la jeune personne de Clapton Hill à laquelle il était fiancé. C'était la fille d'un fermier, me dit Skelmersdale, une demoiselle tout à fait convenable, et sans doute un excellent parti pour lui. Mais tous deux étaient fort jeunes et capables encore de cette jalousie mutuelle, de cette intolérance éveillée, de ce désir irrationnel d'une perfection idéale que bientôt, et fort miséricordieusement, la vie et l'expérience émoussent. Je n'ai pas la moindre donnée sur le sujet précis de leur querelle. Peut-être avait-elle dit qu'elle aimait les hommes qui portent des guêtres, alors qu'il n'avait pas mis les siennes, ou bien est-ce lui qui déclara qu'il la préférait avec un autre chapeau. Mais quel que soit le début, le conflit en vint, par une série de phases malencontreuses, jusqu'à l'aigreur et jusqu'aux larmes. Il est probable qu'à la fin de la promenade, elle était en pleurs et toute barbouillée, et lui, tout poussiéreux et l'oreille basse. Elle le quitta, après d'irritantes comparaisons, doutant gravement qu'elle eût jamais éprouvé pour lui un véritable sentiment tendre et parfaitement certaine qu'elle n'en éprouverait plus désormais. C'est avec une sorte de tourment dans l'esprit que Mr. Skelmersdale grimpa sur la butte et d'une façon inexplicable, après un assez long temps sans doute, il s'y endormit. Au réveil, il se trouva couché sur un gazon d'une douceur extrême, à l'ombre d'arbres fort sombres qui cachaient complètement le ciel. D'ailleurs, il semble que le ciel soit perpétuellement caché au pays des fées. À part une nuit où les fées dansèrent, Mr. Skelmersdale pendant tout son séjour chez elle, ne vit pas une étoile. Pour cette nuit unique, je me demande s'il était réellement au pays des fées, ou s'il n'était pas plutôt au dehors, au milieu des roseaux, dans les prairies basses qui bordent la ligne du chemin de fer. Mais malgré cela, il faisait clair sous ces arbres. Dans les feuilles et sur le gazon brillaient des multitudes de vers luisants. La première impression de Mr. Scalmersdale fut qu'il était tout petit, et la seconde qu'une infinité d'êtres plus petits encore l'entouraient. Sans qu'il s'explique pourquoi, il n'éprouva ni surprise ni frayeur. Il se mit posément sur son séant et se frotta les yeux à deux mains. Tout autour de lui souriaient les petits elfes qu'il avait capturés pendant son sommeil. Je n'ai pu parvenir à me faire une idée exacte de l'aspect de ces elfes, si indifférents aux menus détails paraît avoir été Mr. Scalmersdale, si vague et imparfait est son vocabulaire. Ils portaient des vêtements d'une étoffe très légère et très belle, qui n'étaient ni laine, ni soie, ni feuilles, ni pétales de fleurs. Tout ce petit monde le regardait s'éveiller, et aussitôt, du haut de la clairière, par une amenue resplendissante de vers luisant, et avec une étoile pour diadème, descendit vers lui la fée qui est le principal personnage de son récit et de ses souvenirs. J'ai réussi à obtenir sur elle de plus amples renseignements. Elle était vêtue d'une étoffe verte transparente, et sa taille minuscule était entourée d'une large ceinture d'argent. Sa chevelure flottait sur ses épaules, de chaque côté de sa figure, avec des boucles pas trop indociles et cependant capricieuses. Son front était couronné d'une petite tiare sertie d'une étoile. Ses manches ouvertes par endroits laissaient voir ses bras frêles. Elle était décolletée sans doute, car il parle de la beauté de son cou, d'un superbe collier de corail qui ornait sa gorge et d'où pendait, entre ses seins, une fleur coralline. Les lignes de son visage et de son buste étaient celles d'une enfant. Ses yeux doux, francs et caressants sous leurs arcades égales, étaient d'une nuance fauve très vif. Par ces détails, vous pouvez juger de l'importance qu'avait dans le tableau la féerique infante. Il essaya, sans en venir à bout, de me dépeindre certains autres aspects. La façon dont elle marchait, répéta-t-il plusieurs fois, et je m'imagine une sorte de rayonnement souriant et heureux. Ce fut dans la compagnie de cette délicieuse personne, comme son hôte et son compagnon choisi, que Mr. Scalmersdale fut initié aux intimités du pays des fées. Elle l'accueillit avec joie. Je soupçonne qu'elle eut pris une main qu'elle serra dans les siennes, en tournant vers lui un visage radieux. Après tout, il y a 10 ans, le petit Scalmersdale devait avoir une mine avenante. Tantôt elle s'appuyait à son bras et tantôt le conduisait par la main à travers la clairière où brillaient les vers luisants. La description entrecoupée, disloquée et morcelée de Mr. Scalmersdale ne permet guère de faire un historique rigoureux de la façon dont s'écoula son séjour. Il donne des aperçus tronqués et insuffisants de coins étranges, de faits et gestes bizarres, d'endroits où les fées étaient réunies en grand nombre, de champignons qui étincelaient d'un éclat rose, d'aliments féeriques, dont le seul compliment qu'il fasse est « je ne vous dis que ça », d'harmonie ravissante qu'on aurait cru provenir d'une petite boîte à musique. Il y avait de vastes espaces où les fées chevauchaient et organisaient des courses, mais il ne m'est pas possible de préciser ce que Mr. Scalmersdale entendait quand il parlait de ces espèces de choses sur lesquelles les fées galopaient. Des larves, peut-être, ou des sauterelles, ou de ces petits coléoptères qui nous fuient en se cachant dans les profondeurs du sol. En un autre endroit, un ruisseau dégringolait en cascade, et tout autour poussaient de gigantesques boutons d'or. C'est là qu'aux heures chaudes les fées se baignaient tout ensemble. Parmi les bosquets ombragés et moussus, les fées et les elfes jouaient et dansaient en muguettant et se contemplant fleurettes. Enfin, sans qu'on puisse émettre à ce sujet le moindre doute, la jolie fée fit sa cour à Mr. Scalmersdale, et sans le moindre doute encore, le jeune homme s'obstina à lui résister. En un lieu écarté et tranquille, au bord d'une source fraîche, elle venait s'asseoir auprès de lui dans le parfum des violettes et lui chuchotait des propos d'amour. Quand elle baissait la voix, me conta Mr. Scalmersdale, qu'elle parlait tout bas, qu'elle posait sa main sur la mienne, vous savez, et qu'elle s'approchait tout contre moi d'une façon amicale, confiante et réchauffante, j'avais toutes les peines du monde à ne pas perdre la tête. Il poussa, semble-t-il, l'empire sur soi-même jusqu'à un degré fâcheusement peu clairvoyant. Il vit, dit-il, de quel côté le vent soufflait, et c'est ainsi que, mollement couché sur un lit embaumé de violettes, frôlé par le corps menu de la délicieuse dame, Mr. Scalmersdale lui fit avec ménagement l'aveu qu'il était fiancé. Elle venait de lui confier qu'elle l'aimait tendrement, qu'il était un adorable humain, que tout ce qu'il lui demanderait, elle le lui accorderait. Mr. Skelmersdale faisait tout ce qu'il pouvait pour ne pas regarder ses petites lèvres qui s'ouvraient et se fermaient si joliment. Enfin, il en arriva à l'aveu intime et dangereux, en déclarant qu'il désirait avoir un capital suffisant pour fonder un petit commerce. Il lui serait agréable, dit-il, de se sentir assez d'argent pour risquer l'entreprise. J'imagine la surprise qui dut se peindre dans les beaux yeux bruns, mais la fée ne s'en montra pas moins fort sympathique, et elle lui posa toutes sortes de questions sur le petit commerce, sans cesser un instant de rire joyeusement. Il finit ainsi par révéler toute sa situation de fiancé et la renseigner exactement sur la jeune mêlée. « Exactement, insistai-je. Exactement, certifia M. Skelmersdale. Je racontais qui elle était, où elle vivait, et tout ce qui la concernait. Je sentais tout le temps que je ne pouvais pas faire autrement. « Tout ce que vous désirez, vous l'aurez, » promit la féerique amoureuse. « C'est accordé ou tout comme. Vous sentirez que vous possédez tout l'argent qu'il vous faut. Et à présent, vous allez me donner un baiser. » Mr. Skelmersdale feignit de ne pas entendre ces derniers mots et répondit à la dame qu'elle était vraiment trop bonne, que réellement il ne méritait pas cette faveur et... Tout à coup, la fée approcha des lèvres du jeune homme sa joue veloutée et murmura « Un baiser !» Et, ajoute Mr. Skelmersdale, comme un imbécile, je l'embrassai. « Il y a baiser et baiser, m'a-t-on dit, et celui-ci dut être fort différent des sonores manifestations d'amitié que lui accordait Milly. Il avait quelque chose de magique, ce baiser. Assurément, il marquait un changement de situation. En tout cas, c'est un incident qu'il jugea suffisamment important pour le décrire longuement. J'ai essayé de le rapporter avec précision, moi aussi. J'ai essayé de le dégager des demi-mots, des sous-entendus, des gestes avec lesquels il me fut relaté. Mais je suis convaincu que ce baiser fut tout autre chose que ce que je raconte, quelque chose de plus beau et de plus doux, dans la lumière mollement filtrée et les silences subtils et murmurants des bosquets féeriques. La dame Berthe le questionna longtemps sur Milly. Était-elle jolie, aimable, et ainsi de suite? Concernant la joliesse de Milly, j'entends le jeune homme attester qu'elle n'est pas mal. Ce dut être alors que la féerique personne lui conta qu'elle était tombée amoureuse de lui, tandis qu'il dormait au clair de lune, qu'elle l'avait fait transporter au pays des fées, et qu'elle s'était figurée, ignorant l'existence de Milly, que peut-être il s'embraserait d'amour pour elle. « Mais cela ne vous est pas possible, » conclut-elle. « Aussi, vous me tiendrez compagnie pendant un peu de temps encore, puis vous irez retrouver Milly. » Telles furent ses paroles. Et notez bien qu'à ce moment, Skelmersdale était déjà épris d'elle et qu'il persistait, par pure inertie d'esprit, dans la ligne de conduite qu'il avait adoptée tout d'abord. Je me le représente ainsi, en proie à une sorte de béate stupéfaction, au milieu de toutes ces belles choses scintillantes, répondant aux questions relatives à Milly, parlant de la petite boutique qu'il projetait d'ouvrir, de la nécessité d'un cheval et d'une voiture. Et cette stupide situation dut se prolonger pendant de nombreux jours. Je vois aussi la même dame verte, papillonnant autour de lui, essayant de l'amuser, trop délicate et fragile pour comprendre sa complexité et trop amoureuse encore pour le laisser partir. Et lui, hypnotisé, pour ainsi dire, par le souci de sa position terrestre, suivait l'ensorceleuse de ci de là, aveugle à tout le pays des fées, excepté à cette merveilleuse intimité à laquelle on l'admettait. Il est difficile, il est impossible de rendre avec des mots la radieuse suavité de la fée, rayonnant sur le fâtre niais et fruste du pauvre Skelmersdale. Pour moi, du moins, elle rayonne, dans la confusion du récit, comme un ver luisant dans un enchevêtrement d'herbe. Pendant tout ce temps, une foule d'événements et d'incidents dut s'accomplir. Une fois, ai-je dit, ils allèrent au clair de lune dans les réseaux des prairies basses, mais il fallut bien que ce beau rêve eût une fin. La fée conduisit un jour Mr. Skelmersdale dans une profonde caverne, éclairée par une sorte de grosse veilleuse rouge. Là, il y avait des coffres entassés les uns sur les autres, des cassettes et des coupes d'or, et un grand tas jaunâtre qui parut être à Mr. Skelmersdale de l'or monnayé. Parmi toute cette richesse, de petits gnomes allaient et venaient, et ils la saluèrent quand elle entra, et lui firent place. Tout à coup, elle se tourna vers le jeune homme, et ses yeux brillaient étrangement. « Vous avez été gentil, dit-elle, d'en rester avec moi si longtemps, et je dois maintenant vous laisser partir. Il faut que vous retourniez auprès de votre Milly. Auprès de votre Milly, et, ainsi que je vous l'ai promis, on va vous donner ici beaucoup d'or. » « On aurait cru qu'elle suffoquait, » raconta Mr. Skelmersdale. À la voir comme cela, ajouta-t-il en portant la main à sa poitrine. « Il me sembla que quelque chose se brisait là. Je me sentis tout pâle, vous savez, et frissonnant, et même alors je ne trouvais rien à dire. il se tut. « Oui, oui, » fis-je d'un ton encourageant. La scène avait été trop pathétique pour qu'il pût la décrire, mais il se souvient qu'elle l'embrassa à la dernière minute des adieux. « Et vous n'avez rien dit ?»« Rien du tout, » avoua le malheureux. « Je restais là, comme un veau empaillé. » Elle se retourna une seule fois, d'un air de rire et de pleurer à la fois. Je voyais les larmes mariées dans ses yeux, puis elle disparut. Les petits gnomes se précipitèrent sur moi, remplissant d'or mes mains et mes poches, m'enfourrant dans le cou, partout, partout. Ce fut alors, quand la fée eut disparu, que Mr. Skelmersdale comprit et sut. Il se mit soudain à rejeter l'or dont on l'accablait et à crier aux gnomes qu'il n'en voulait plus. « Je n'en veux plus de votre or. Je n'ai pas fini, je ne m'en vais pas. Je veux parler à la dame encore. » Je leur criai tout cela et je fis mine de courir après la dame. Mais ils me retinrent. Oui, ils m'agrippèrent par la taille avec leurs petites mains et me ramenèrent en arrière. Ils continuèrent à me fourrer de l'or partout jusqu'à ce qu'il en dégringola par mes manches et mes jambes de pantalon. « Je n'en veux pas de votre or, » leur hurlai-je. « Je veux seulement parler à la dame. » « Et vous lui avez parlé, finalement ?» La chose tourna en bataille. « Avant que vous la revoyiez ?» Je ne l'ai pas revue. Quand je me fus débarrassé d'eux, je ne l'aperçus plus nulle part. Haletant, il la rechercha, hors de la caverne, dans une longue grotte, et de là, il déboucha sur un grand espace désolé où voltigeait un essaim de feux follets. Tout autour de lui, des elfes dansaient en le raillant, et les petits gnomes qui s'étaient mis à sa poursuite apparurent, tenant à pleine main des pièces d'or qu'ils lui lançaient en criant « L'amour des fées et l'or des fées ! L'amour des fées et l'or des fées !» En entendant ces mots, il fut saisi d'une grande crainte. Il eut peur que tout fût fini, et à tue-tête il appela la dame par son nom. Soudain, il s'élança à toutes jambes, descendant la pente à travers une lande couverte de bruyères et d'épines, adjurant la fée sans cesse et à grands cris. Les elfes l'accompagnaient en dansant, le pinçant, l'égratignant, les feux follets l'entouraient et lui sautaient au visage, et les gnomes le poursuivaient en vociférant et en le lapidant avec des pièces d'or. Il courait au milieu de cette étrange et effrayante escorte, et soudain, il enfonça jusqu'au genou dans un marécage, son pied se prit dans de grosses racines enchevêtrées, il trébucha et perdit l'équilibre. Il culbuta et au même instant il se retrouva allongé sur la butte d'Aldington tout seul sous les étoiles. Il se releva vivement, dit-il, et constata qu'il était ankylosé et gelé, et que ses vêtements étaient trempés de rosée. Les premières pâleurs de l'aube et un vent glacial parurent ensemble. Il aurait cru que toute cette histoire n'était qu'un rêve étrangement précis et net, si, en fouillant dans la poche de son veston, il ne l'avait rempli de cendres. Alors il tint pour certain que c'était l'or des fées, dont les gnomes avaient bourré ses poches. Il sentait encore tous leurs pinçons et leurs égratignures sans qu'il y en eût trace sur lui. De cette façon quelque peu brutale, Mr. Skelmersdale revint du pays des fées reprendre sa place dans le monde des hommes. Il supposait qu'il s'agissait d'une absence d'une nuit, mais quand il retourna le matin à la boutique d'Aldington Corner, il découvrit, au milieu de l'étonnement de tous ceux qu'il revoyait, qu'il avait été absent 3 semaines. « Seigneur, j'en ai eu du tracas, » ajouta le pauvre homme. « Comment cela ? À donner des explications ? Je présume que vous n'avez jamais rien eu de semblable à expliquer ? Jamais, » concédai-je. Il se mit à disserter sur la conduite à son égard de telle ou telle personne, mais en évitant toute mention d'un certain nom. « Et Emily ? » fis-je à la fin. Je n'éprouvais pas la moindre envie de la revoir, avoua-t-il. Je suppose qu'elle vous parut changée. Tout le monde était changé pour de bon. Tout le monde me semblait énorme, vous savez, et grossier. Et les voix étaient si fortes. Bon, le soleil, quand il se leva le matin, me fit presque mal aux yeux. Émilie, je ne tenais plus à la rencontrer. Mais quand vous l'avez rencontrée, c'était le dimanche, en sortant de l'église. Je me suis trouvé nez à nez avec elle. D'où sortez-vous ? Me demanda-t-elle. Et je compris qu'il y avait de l'orage dans l'air. Je m'en moquais d'ailleurs. Je ne pensais pas à elle, même pendant qu'elle me disputait là. Elle n'était rien pour moi. Je ne m'expliquais pas ce que j'avais pu voir d'attrayant en elle et quel charme elle avait jamais possédé. Quelquefois, plus tard, quand elle n'était pas là, j'y remordais un peu, mais jamais quand elle était là. Parce que c'est l'autre que je voyais devant mes yeux et qui l'effaçait. En tout cas, ça ne lui a pas brisé le cœur. « Mariée ? » demandai-je laconiquement. « Avec son cousin ?» répondit Mr. Skelmersdale en contemplant pensivement le dessin de la nappe. Quand il reprit la conversation, il devint clair que son ancienne fiancée était complètement bannie de son esprit. Il retourna à sa dame féerique, souveraine triomphante de son cœur. Il parla d'elle. Bientôt, il laissa échapper des confidences bizarres. de bizarres secrets d'amour qu'il serait déloyal de répéter. De toute l'affaire, la chose la plus étrange fut d'entendre ce petit épicier propret, un verre de whisky à côté de lui et un cigare au doigt, témoignant avec douleur encore, mais une douleur quelque peu émoussée par le temps, de la faim et de la soif d'amour qui lui torturèrent le cœur à son retour. « Je ne pouvais ni manger ni dormir, » disait-il. « Je commettais toutes sortes d'erreurs en prenant les commandes et en rendant la monnaie. Nuit et jour, c'est elle que je voyais, elle qui m'attirait, qui me fascinait. Oh, comme je la voulais ! Seigneur, comme je la voulais ! Je montais là-haut, presque tous les soirs, je montais sur la butte, et je tournais autour dans tous les sens, l'appelant, la suppliant de me laisser rentrer. Et je criais, et des fois je sanglotais, c'était plus fort que moi. J'étais fou, ma parole, et malheureux. Je ne cessais de me répéter que tout cela n'était qu'une illusion. » Et tous les dimanches après-midi, par la pluie et le beau temps, je montais à la butte, sachant bien pourtant que c'était inutile le jour, et j'essayais de m'endormir là-haut. Il s'arrêta court pour boire quelques gorgées de whisky. « J'ai essayé de m'endormir là-haut, » répéta-t-il, les lèvres tremblantes. « Souvent, souvent, j'ai essayé de m'endormir. Et savez-vous, monsieur, je n'ai jamais pu, jamais. Je me figurais que si je parvenais à m'endormir, il arriverait quelque chose. Mais j'ai essayé, assis, allongé, dans toutes les positions, et je n'ai pas pu, tant j'y pensais, et tant je le désirais. J'ai essayé. » Il soupira, avala convulsivement le reste de son whisky, se dressa brusquement, boutonna sa veste tout en fixant les chromos de pacotille accrochés à droite et à gauche de la cheminée. Le petit carnet noir sur lequel il inscrivait ses commandes sortait à moitié du gousset de son vêtement. Quand il se fut boutonné du haut en bas, il se tapota la poitrine et se tourna vivement de mon côté. « Allons, » dit-il, « il faut que je m'en aille. » Je lisais dans ses yeux et dans son attitude quelque chose de trop complexe pour qu'il l'exprimât en paroles. « On se laisse aller à bavarder, » vit-il, la main au loquet. Il eut un sourire contraint et il tira la porte derrière lui. Tel est le récit du voyage de Mr. Skelmersdale au pays des fées, relaté comme il me l'a conté. H. G. Wells.